4. Nous venons d'anticiper sur les événements, parvenus aux deux tiers à peine de la vie de notre écrivain. Nous avons laissé entrevoir une scène de ces derniers jours. À l'exemple de l'illuminé lui-même, nous avons uni d'un trait l'avenir et le passé. Il entrait dans notre plan, du reste, d'apprécier tour à tour Cazotte comme littérateur et comme philosophe mystique. Mais si la plupart de ses livres portent l'empreinte de ses préoccupations relatives à la science des kabbalistes, il faut dire que l'intention dogmatique y manque généralement. Cazotte ne paraît pas avoir pris part aux travaux collectifs des illuminés martinistes, mais s'être fait seulement, d'après leurs idées, une règle de conduite particulière et personnelle. On aurait tort d'ailleurs de confondre cette secte avec les institutions maçonniques de l'époque, bien qu'il y eût entre elles certains rapports de forme extérieure. Les martinistes admettaient la chute des anges, le péché originel, le verbe réparateur, et ne s'éloignaient sur aucun point essentiel des dogmes de l'Église. Saint Martin, le plus illustre d'entre eux, est un spiritualiste chrétien à la manière de Malebranche. Nous avons dit plus haut qu'il avait déploré l'intervention d'esprits violents dans le sein de la secte lyonnaise. De quelque manière qu'il faille entendre cette expression, il est évident que la société prit dès lors une tendance politique qui éloigna d'elle plusieurs de ses membres. Peut-être a-t-on exagéré l'influence des illuminés tant en Allemagne qu'en France, mais on ne peut nier qu'il n'ait eu une grande action sur la Révolution française et dans le sens de son mouvement. Les sympathies monarchiques de Cazotte l'écartèrent de cette direction et l'empêchèrent de soutenir de son talent une doctrine qui tournait autrement qu'il n'avait pensé. Il est triste de voir cet homme, si bien doué comme écrivain et comme philosophe, passer les dernières années de sa vie dans le dégoût de la vie littéraire et dans le pressentiment d'orage politique qu'il se sentait impuissant à conjurer. Les fleurs de son imagination se sont flétries. Cet esprit d'un tour si clair et si français, qui donnait une forme heureuse à ses inventions les plus singulières, n'apparaît que rarement dans la correspondance politique, qui fut la cause de son procès et de sa mort. S'il est vrai qu'il ait été donné à quelques hommes de prévoir les événements sinistres, il faut y reconnaître plutôt une faculté malheureuse qu'un don céleste, puisque, pareil à la Cassandre antique, elles ne peuvent ni persuader les autres, ni se préserver elles-mêmes. Les dernières années de Cazotte dans sa terre de Pierry, en Champagne, présentent cependant encore quelques tableaux de bonheur et de tranquillité dans la vie de famille. Retiré du monde littéraire, qu'il ne fréquentait plus que pendant de courts voyages à Paris, échappé au tourbillon plus animé que jamais des sectes philosophiques et mystiques, de toutes sortes, père d'une fille charmante et de deux fils pleins d'enthousiasme et de cœur comme lui, le bon Cazotte semblait avoir réuni autour de lui toutes les conditions d'un avenir tranquille. Mais les récits des personnes qui l'ont connu à cette époque le montrent toujours assombri des nuages, qu'il pressent au-delà d'un horizon tranquille. Un gentilhomme nommé Deplat lui avait demandé la main de sa fille Élisabeth. Ces deux jeunes gens s'aimaient depuis longtemps, mais Cazotte retardait sa réponse définitive et leur permettait seulement d'espérer. Un auteur gracieux et plein de charme, Anna-Marie, a raconté quelques détails d'une visite faite à Pierry par Madame d'Argel, amie de cette famille. Elle peint l'élégant salon au rez-de-chaussée, embaumé des parfums d'une plante des colonies rapportée par Madame Cazotte, et qui recevait du séjour de cette excellente personne un caractère particulier d'élégance et d'étrangeté. Une femme de couleur travaillant près d'elle, des oiseaux d'Amérique, des curiosités rangées sur les meubles, témoignaient, ainsi que sa mise et sa coiffure, d'un tendre souvenir pour sa première patrie. Elle avait été parfaitement jolie, et l'était encore, quoiqu'elle eût alors de grands enfants. Il y avait en elle cette grâce négligée et un peu nonchalante des créoles, avec un léger accent donnant à son langage un ton tout à la fois d'enfance et de caresse qui la rendait très attrayante. Un petit chien bichon était couché sur un carreau près d'elle. On l'appelait Biondetta, comme à la petite épagnole du diable amoureux. Une femme âgée, grande et majestueuse, la marquise de la Croix, veuve d'un grand seigneur espagnol, faisait partie de la famille et y exerçait une influence due au rapport de ses idées et de ses convictions avec celles de Cazotte. C'était depuis de longues années l'une des adeptes de Saint-Martin, et l'illuminisme l'unissait aussi à Cazotte de ses liens tout intellectuels que la doctrine regardait comme une sorte d'anticipation de la vie future. Ce second mariage mystique, dont l'âge de ces deux personnes écartait toute idée d'inconvenance, était moins pour Madame Cazotte un sujet de chagrin que d'inquiétude conçue au point de vue d'une raison toute humaine touchant l'agitation de ses nobles esprits. Les trois enfants, au contraire, partageaient sincèrement les idées de leur père et de sa vieille amie. Nous nous sommes déjà prononcés sur cette question. Mais pourtant faudrait-il accepter toujours les leçons de ce bon sens vulgaire qui marche dans la vie sans s'inquiéter des sombres mystères de l'avenir et de la mort? La destinée la plus heureuse tient-elle à cette imprévoyance qui reste surprise et désarmée devant l'événement funeste et qui n'a plus que des pleurs et des cris à opposer au coup tardif du malheur? Madame Cazotte est de toutes ces personnes celle qui devait le plus souffrir. Pour les autres, la vie ne pouvait plus être qu'un combat, dont les chances étaient douteuses, mais la récompense assurée. Il n'est pas inutile, pour compléter l'analyse des théories que l'on retrouvera plus loin dans quelques fragments de la correspondance qui fut le sujet du procès de Cazotte, d'emprunter encore quelques opinions de ce dernier, au récit d'Anna-Marie. « Nous vivons tous, disait-il, parmi les esprits de nos pères. Le monde invisible nous presse de tous côtés. Il y a là sans cesse des amis de notre pensée, qui s'approchent familièrement de nous. Ma fille a ses anges gardiens. Nous avons tous les nôtres. Chacune de nos idées, bonnes ou mauvaises, met en mouvement quelque esprit qui leur correspond, comme chacun des mouvements de notre corps ébranle la colonne d'air que nous supportons. Tout est plein, tout est vivant dans ce monde, où depuis le péché des voiles obscurcissent la matière. Et moi, par une initiation que je n'ai point cherchée et que souvent je déplore, je les ai soulevés comme le vent soulève d'épais brouillards. Je vois le bien, le mal, les bons et les mauvais. Quelquefois la confusion des êtres est telle à mes regards que je ne sais pas toujours distinguer au premier moment ceux qui vivent dans leur chair de ceux qui en ont dépouillé les apparences grossières. Oui, ajouta-t-il, il y a des âmes qui sont restées si matérielles, leur forme leur a été si chère, si adhérente, qu'elles ont emporté dans l'autre monde une sorte d'opacité. Celles-là ressemblent longtemps à des vivants. Enfin, que vous dirais-je? Soit infirmité de mes yeux ou similitude réelle, il y a des moments où je m'y trompe tout à fait. Ce matin, pendant la prière, où nous étions réunis tous ensemble, sous les regards du Tout-Puissant, la chambre était si pleine de vivants et de morts, de tous les temps et de tous les pays, que je ne pouvais plus distinguer entre la vie et la mort. C'était une étrange confusion, et pourtant un magnifique spectacle. Madame d'Argel fut témoin du départ du jeune Skevol, Cazotte, qui allait prendre du service dans les gardes du roi. Les temps difficiles approchaient, et son père n'ignorait pas qu'il le dévouait à un danger. La marquise de Lacroix se joignit à Cazotte pour lui donner ce qu'ils appelaient leur pouvoir mystique, et l'on verra plus tard comment il le rendit compte de cette mission. Cette femme enthousiaste fit sur le front du jeune homme, sur ses lèvres et sur son cœur, trois signes mystérieux accompagnés d'une invocation secrète, et consacra ainsi l'avenir de celui qu'elle appelait le fils de son intelligence. Skevol Cazotte, non moins exalté dans ses convictions monarchiques que dans son mysticisme, fut du nombre de ceux qui, au retour de Varennes, réussirent à protéger du moins la vie de la famille royale contre la fureur des républicains. Un instant même au milieu de la foule, le dauphin fut enlevé à ses parents. Skevol Cazotte parvint à le reprendre et le rapporta à la reine, qui le remercia en pleurant. La lettre suivante qu'il écrivit à son père est postérieure à cet événement. « Mon cher papa, le 14 juillet est passé. Le roi est rentré chez lui sain et sauf. Je me suis acquitté de mon mieux de la mission dont vous m'aviez chargé. Vous saurez peut-être si elle a eu tous les faits que vous en attendiez. Vendredi, je me suis approché de la Sainte Table, et en sortant de l'église, je me suis rendu à l'hôtel de la patrie où j'ai fait, vers les quatre côtés, les commandements nécessaires pour mettre le champ de Mars entier sous la protection des anges du Seigneur. J'ai gagné la voiture, contre laquelle j'étais appuyé quand le roi est remonté. Madame Élisabeth m'a même alors jeté un coup d'œil qui a reporté toutes mes pensées vers le ciel. Sous la protection d'un de mes camarades, j'ai accompagné la voiture en dedans de la ligne, et le roi m'a appelé et m'a dit « Cazotte, c'est vous que j'ai trouvé à Épernay et à qui j'ai parlé ?» Et je lui ai répondu « Oui, sire, à la descente de la voiture j'y étais, et je me suis retiré quand je les ai vus dans leurs appartements. » Le champ de Mars était couvert d'hommes. Si j'étais digne que mes commandements et mes prières fussent exécutés, il y aurait furieusement de pervers de liés. Au retour, tous criaient « Vive le roi !» sur le passage. Les gardes nationaux s'en donnaient de tout leur cœur. Et la marche était un triomphe. Le jour a été beau, et le commandeur a dit que pour le dernier jour que Dieu laissait au diable, il le lui avait laissé la couleur de rose. « Adieu, joignez vos prières pour donner de l'efficacité aux miennes. Ne lâchons pas prise. J'embrasse maman Zabeth, Élisabeth, mon respect à madame la marquise de Croix. » À quelque opinion qu'on appartienne, on doit être touché du dévouement de cette famille, dût-on sourire des faibles moyens, sur lesquels se reposaient des convictions si ardentes. Les illusions des belles âmes sont respectables, sous quelque forme qu'elles se présentent, mais qui oserait déclarer qu'il y ait pure illusion dans cette pensée que le monde serait gouverné par des influences supérieures et mystérieuses sur lesquelles la foi de l'homme peut agir? La philosophie a le droit de dédaigner cette hypothèse, mais toute religion est forcée à l'admettre, et les sectes politiques en ont fait une arme de tous les partis. Ceci explique l'isolement de Cazotte de ses anciens frères, les Illuminés. On sait combien l'esprit républicain avait usé du mysticisme dans la Révolution d'Angleterre. La tendance des martinistes était pareille, mais, entraînés dans le mouvement opéré par les philosophes, ils dissimulèrent avec soin le côté religieux de leur doctrine, qui à cette époque n'avait aucune chance de popularité. Personne n'ignore l'importance que prirent les Illuminés dans les mouvements révolutionnaires. Leur secte, organisée sous la loi du secret, et se correspondant en France, en Allemagne et en Italie, influait particulièrement sur de grands personnages plus ou moins instruits de leur but réel. Joseph II et Frédéric Guillaume agirent maintes fois sur leur inspiration. On sait que ce dernier, s'étant mis à la tête de la coalition des souverains, avait pénétré en France et n'était plus qu'à 30 lieues de Paris lorsque les Illuminés, dans une de leurs séances secrètes, évoquèrent l'esprit du grand Frédéric, son oncle, qui lui défendit d'aller plus loin. C'est, dit-on, par suite de cette apparition, qui fut expliquée depuis de diverses manières, que ce monarque se retira subitement du territoire français et conclut plus tard un traité de paix avec la République, qui dans tous les cas a pu devoir son salut à l'accord des Illuminés français et allemands.